Ça vous a plu? Oui, délicieux. Qu'est-ce que vous prenez comme dessert? Je voudrais une crème brûlée aux abricots. Ah, désolé, je n'en ai plus. Dommage. Alors, une coupe de framboises et fraises? Ah, je n'ai que des fraises aujourd'hui. Oh là là, pas de framboises, pas de crème brûlée non plus. Bon, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Prenez les gaufres grand-mère. Elles sont exquises. Ok. Les gaufres grand-mère, alors. Et pour vous? Oui, pareil pour moi. Très bien. Je vous apporte ça tout de suite.